بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة bienvenue chers frères. سنشرع اليوم في تفسير سورة مدنية. Aujourd'hui on va commencer l'exégèse d'une sourate qui fut révélée durant la période médinoise. وهي سورة البينة. C'est la sourate Al-Bayyina. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال وسماني قال نعم فبكى. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leurs recueils respectifs Al-Sahihayn, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ubay, certes Allah m'a ordonné de réciter sur toi Lam yakunil ladhina kafaru min ahli al-kitab, c'est-à-dire surat Al-Bayyina. Alors Ubay, il a dit, il m'a nommé moi. Il m'a cité nommément. Le prophète, il a dit « Na'am ». Ubay a alors pleuré, radiyallahu an. « Wa hadha ayyuha al-ikhwa yadulluna aw yadulluna ala fadli hadha sahabi. » Cela nous montre, chers frères, les mérites de ce compagnon. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala ait ordonné à son prophète de réciter sur lui de façon spécifique. وقالت العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ عليه متعلما ولا متثبتا إنما قرأ عليه مبلغا. Les savants, ils ont dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, il n'a pas récité cette sourate sur Ubay en tant qu'élève, parce qu'en général, lorsqu'on a des cours de Coran, c'était hier, le cours de Coran hier, c'est les élèves qui récitent sur l'enseignant, on est d'accord. Et même dans la science du hadith aussi, il y a certaines méthodes d'enseignement, c'est des élèves qui récitent et l'enseignant qui corrige. Dans le Coran, c'est ce système-là, l'élève qui récite et l'enseignant qui corrige. Et donc les savants nous disent ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas récité sur Ubay de façon à apprendre ou à vérifier sa mémorisation, mais il lui a récité ces versets, cette sourate, pour justement lui transmettre. فتأكد أبي هل الله تبارك وتعالى سماه أو قال له اقرأ على أحد أصحابك فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أبيا. Et donc Ubay, il a voulu vérifier, est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui l'a cité? Ou alors, est-ce que Allah, il a dit à son prophète, va réciter sur un de tes compagnons? Et ensuite, le prophète, il a choisi Ubay. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, akkad anna Allah sama, lorsque le prophète, il a confirmé que Allah, il a cité Ubay, baka min shaddatil farah. Il a pleuré tellement il était heureux, radiyallahu anhu. Il a pleuré tellement il était heureux. فقال الله تبارك وتعالى بعد البسملة إنك الله تبارك وتعالى أبخل بسملة إلذي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Ceux qui ont mécru, ceux qui ont mécru, tels que les gens du livre, les adorateurs des idolâtres. Ce qui est voulu par Al-Mushrikin, ce sont les idolâtres. Donc ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les idolâtres ne délaisseront pas ce sur quoi ils sont jusqu'à ce que viennent à eux El-Beyina. L'épreuve évidente. Les preuves évidentes. Un messager venant d'Allah qui récite sur eux des feuilles purifiées qui contiennent des écrits justes et droits. Et donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lam yakun illadhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes. Ahlul Kitab, humul Yahud wa Nasara. Les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Summu kadhalika lil kitab alladhi ursila ilayhim. Les gens du livre, donc ils ont été appelés comme cela à cause du livre qui leur a été envoyé. Fal Yahud ursilat ilayhim, ursila ilayhim at-Tawrat. Et donc les juifs, c'est la Torah qui leur a été envoyée. Et an-Nasara, al-Injil, l'évangile. Wal-Mushrikoun, et les polythéistes, ce qui est voulu par là, ce sont les idolâtres, ceux qui adoraient les statues. Fa-ha-oula kulluhum kuffar. Tous ceux qu'on a cités ici, ils sont tous polythéistes. Ici, il y a donc certains qui utilisent ce verset pour une ambiguïté, une maladie qu'ils ont dans leur cœur. Ils vont utiliser ici ce passage pour, selon eux, appuyer leur maladie. Quand on a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, min ahlil kitabi wal mushrikin, tels que les gens du livre et les polythéistes. Est-ce que ce qui est voulu par là, c'est ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes, idan, min ahlil kitab, man kafar wa minhum man lam yakfur. Est-ce que ce qui est voulu par là, c'est donc que parmi les gens du livre, il y en a qui ont mécru et il y en a qui n'ont pas mécru. Est-ce que c'est ce qui est voulu par là? Alladhina kafaru, ceux qui ont mécru. C'est qui ceux qui ont mécru? Il y a énormément de milal dans le kufr. Énormément de groupes. Et donc ici Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre, et donc il a cité la parole de façon générale, alladhina kafaru, ceux qui ont mécru. Et ensuite, il nous explique qui ils sont. Qui ils sont? Ahlul Kitab, donc les juifs, les chrétiens, wal mushrikoun, c'est-à-dire les idolâtres. Fela yukol, inna min ahlil kitabi, mimman ja'athu risalatu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, falam yu'min bihi, annahu lam yakfur. Et donc, on ne dit pas qu'il y a parmi les gens du livre des gens à qui, donc, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est parvenu, puis qu'ils l'ont refusé, on ne dit pas que ces gens-là qui n'ont pas mécru. Non. Kulluhum kuffar. Ils sont tous mécréants. À partir du moment où ils n'ont pas accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont mécréants. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, Ya ahl al-kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ô gens du livre. Pourquoi est-ce que vous mécroyez au verset d'Allah alors que vous êtes témoin? Vous êtes témoin de la vérité. Vous avez des preuves annonçant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fabayyana Allah tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya anna ahla al-kitab wa abadat al-awthan. لا يتركون ما هم عليه من الكفر والضلال حتى تأتيهم البينة. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a montré donc que les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, ainsi que les adorateurs des statues, tous ces gens-là ne délaisseront pas leurs égarements, leurs mécréances, jusqu'à ce que leur vienne el bayyina, la preuve évidente. Wa ma hadhihi el bayyina, qu'est-ce que cette preuve évidente? Allah, il nous explique qu'est-ce que cette preuve évidente. Il nous dit rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Un messager venant d'Allah qui récite des feuilles purifiées. Yarhamukallah. Et donc c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa hadha ar-rasul yatlu suhufan laysa fiha shirkun ولا ضلال ولا كذب ولا سوء ولا سوء أخلاق. Et donc ce messager, il récite donc des feuilles qui ne contiennent pas de polythéisme, ni d'égarement, ni de mensonge, ni de mauvaises mœurs. بل كل ما في هذا في هذه الصحف كلها خير. Mais tout ce qu'il y a dans ces feuilles, dans ces parchemins, ne sont que du bien. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit فيها كتب قيمة. Et donc, elles contiennent des écrits justes. Justes et en toute rectitude. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de manquement. Mais ils sont justes. فالذي تجده في القرآن قيم لنفسه مقيم لغيره. Et donc ce que tu trouves dans le Coran, ce sont donc des paroles qui sont justes en elles-mêmes et qui permettent aux autres de se corriger. Et c'est là que tu te dis, mais comment se fait-il qu'on puisse délaisser le Coran toute une année comme ça et attendre Ramadan? Des paroles qui sont en elles-mêmes justes et qui nous permettent de nous corriger, de nous améliorer. Comment est-ce qu'on peut le délaisser et le mettre de côté? Et donc, ces gens du livre, lorsque la preuve leur est venue, cette preuve évidente, que s'est-il passé? Tafarraqou. Ils se sont divisés. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ. Et donc il y a parmi eux ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont mécru. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, après cela, il nous dit وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Subhanallah. Et donc ceux à qui le livre à qui a été, ceux dont le livre leur a été donné, ils n'ont mécru ou ils ne se sont divisés que après que la preuve évidente leur soit venue. Et donc, après que la preuve leur a été donnée, ils se sont divisés. Mu'min, kuffar. Mais à anna al-bayyina ja'at ilayhim kullihim. Alors que les preuves leur sont venues à tous. Mais ils se sont divisés. وَقَدْ نَهَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ فِي ذَلِكَ. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit de leur ressembler en cela. Lorsque les preuves apparaissent de façon claire, قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ. On n'a pas le droit de se diviser. On n'a pas le droit. Là, il y a Jews. يجب علينا أن نعتصم بكتاب الله تبارك وتعالى. Il nous est obligatoire de tous nous accrocher au livre d'Allah تبارك وتعالى. Il y a à notre époque, إننا في هذا الزمان بعض المعاصرين ممن يريد أن يشكك المسلمين في دينهم. Parmi les contemporains, on a des personnes qui veulent faire douter les musulmans de leur propre croyance. Ils leur disent, intabihu, hunak majmou'a minan nas, shabab. Attention, ils leur disent, attention, il y a des gens, c'est des jeunes. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile de dire qu'ils n'ont pas d'ilm, ils ne connaissent rien, parce que c'est des jeunes. Shabab, la ya'alifuna shay'an. Taïm. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ils disent, deuxième étape, al martabatu thaniya, yakuluna lakum. عليكم عليكم بالكتاب والسنة لا تخرجوا عن الكتاب والسنة. Ils vous disent, vous devez vous accrocher au Coran et à la Sunna. Ne délaissez pas le Coran ni la Sunna. Après, qu'est-ce qu'ils disent après cela pour répliquer à ces jeunes? Ils disent, انتبهوا فإن الأمر ليس بهذه السهولة. Faites attention, car ce n'est pas aussi facile que ça. C'est pas tu lis le livre d'Allah et tu penses que tu as compris. Non, il y a autre chose encore. Pourquoi elles disent ça? ليبعد الناس عن قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله. Pour éloigner les gens de la parole d'Allah Ta'ala et la parole de son messager. Ils te disent na'am na'am indana kitabullah, parce qu'ils peuvent pas te dire la tatamassak bi kitabillah. Ils peuvent pas te dire ça. S'ils te disent non, tu ne peux pas t'accrocher au livre d'Allah. Ils te disent ça tout de suite, tu vas comprendre le problème. Tu dis non, abadan. Et donc ils ne disent pas ça comme ça. La yusarrihun. Ils ne disent pas clairement. Ils te disent na'am al-kitab muhim walakin. C'est ce walakin là qui est un problème. Cependant, yani, c'est pas tout le temps, yani. La ta'khuz al-aya hakada, yani. Il y a toujours un truc qu'il faut comprendre en plus. Et donc ils cherchent à égarer nos jeunes comme ça. Pourtant Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit. Allah tabaraka wa ta'ala nahana 'ani at-tafarruq. Il nous a interdit de ressembler à ces gens-là. Il nous a dit « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les éclaircissements, après que les preuves claires leur soient venues, et ceux-là ont un châtiment terrible. فهذا منهي أيها الإخوة. Donc ça c'est interdit. جاء قول الله وجاء قول رسول الله يجب علينا أن نعتصم على ذلك. La parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est rapportée, nous est obligatoire de nous unir sur celle-ci. ولكن الناس الآن يرمون التفرق على من à la Ahli Sunnati wal Jama'a. Aujourd'hui, les gens, ils vont donc jeter la pierre de la division, ils vont donc accuser les diviseurs, ils vont dire que ce sont ils, c'est qui ? Ahli Sunnati wal Jama'a. Yaqulun ha'oula salafiyun. Hum alladhina farraqu al-umma. Ces salafis-là, c'est eux qui ont divisé la communauté. C'est eux. On va voir tout de suite. Ibn Kathir fi tafsirihi li hadhihi al-aya. ذكر حديثا مهما جدا. Ibn Kathir dans ce verset, l'explication de ce verset dans son tafsir, il cite un hadith qui est très important, très connu. تفرقت اليهود على 71 فرقة. Les Juifs se sont divisés en 71 groupes. وتفرقت النصارى على 72 فرقة. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. وستفترق أمتي على 73 فرقة. Et ma communauté va se diviser en 73 sectes, en 73 groupes. كلها في النار إلا واحدة. Tous ces groupes sont dans le feu sauf un. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الآن أعداء السنة يقولون إن السلفيين يفرقون المسلمين بهذا الحديث. Ça c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Et ses ennemis de la sunna, ils disent, les salafis divisent les musulmans avec ce hadith. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لابد أن نفهم أمرا مهما. Il est important de comprendre un point important. Annallaha nahana 'ani at-tafarruq. Allah il nous a interdit la division. Wa akhbarana bit-tafarruq al-waqi' fi al-umma. Et Allah il nous a informé de la division qui va toucher la communauté. Le fait que on affirme que la division arrive ou qu'il y a une division, cela ne veut pas dire que tu approuves cette division. Cela ne veut pas dire que tu approuves cette division. Taïb, quelle est la solution? Quelle est la solution lorsqu'on est divisé? Ma huwa al-hal? Tafarraqa al-muslimun. Nahnu qulnahu akthar min marra. Nahnu fi hadhihi al-mantaqa fiha masajid. Il y a plusieurs mosquées dans cette région. Ça, Taïb, hal al-masajid kulluha ala manhaj wahid? Est-ce que toutes les mosquées dans cette région sont sur un même manhaj, sur la même voie? هل المسلمون في المسجد الواحد على منهج واحد? Est-ce que les musulmans dans une même et unique mosquée, est-ce qu'ils ont tous la même voix? Là. Taïb, ma huwa al-hal? Ma huwa al-hal, ya ikhwa? Quelle est la solution? On ne veut plus voir cette division. La nuridu tashabbuha bil kuffar. La nuridu tashabbuha bi ahli al-kitab. On ne veut pas ressembler aux incroyants, on ne veut pas ressembler aux gens du livre. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on fait? Ma'alish, on ne se fait pas de reproches. Ma'alish, fais comme tu veux. Je fais comme je veux. Alhamdulillah, inna Allah ghafurur rahim. C'est comme ça? Hein? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi est-ce que si je vois un frère, il vient, il est musulman, il vient à la mosquée, il fait une bida. Il vient à la mosquée, il nous fait une bida. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui dire Alhamdulillah, ibtada huwa yabtadi' wa ana la abtadi'. Alhamdulillah, yani nahnu kulluna muslimun. Yani lui, il a fait une bida, moi je ne fais pas, mais Alhamdulillah, on est tous musulmans. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ça? Masha'Allah. Parce que el amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wajib. Il est obligatoire d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il est obligatoire. Et parce que Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'a. Accrochez-vous tous à la religion d'Allah. Il n'a pas dit accrochez-vous tous à votre passion, à celui, à ça, à ça. Non, accrochez-vous tous à la religion d'Allah. Hablullah, kitabullah wa sunnatu rasulillah. Accrochez-vous tous à cela. Voilà la solution. Antum turidun an tajtami'a hadhihi al-umma fala budda min ar-ruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez que cette communauté soit unie, il est impératif de retourner au livre d'Allah Ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katheera. Hadha huwa al-marad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit c'est celui d'entre vous qu'il y aura une longue vie, il va voir beaucoup de divergences. Il dit ça à qui? À ses compagnons, il le dit. Il va voir beaucoup de divergences. Ça, c'est la maladie, disent les savants. Le prophète, il nous a annoncé la maladie. Akhbarana bil marad, al mawjoud fil umma. Thumma ja'a bi ad-dawa. Ensuite, il est venu avec l'antidote. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit après ça? Fa'alaykum bi sunnati. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Alors, accrochez-vous à ma sunna. Et la sunna des khulafa'i ar-rashidin, des califes bien guidés. Taïb, sous elle, les frères. Puisque souvent les gens vont accuser les salafiyoun. Taïb, ana indi sous elle. Même ana salafi. Ça veut dire quoi, salafi? En arabe, huwa francioun. Ok? Francioun. Le ya qu'on a à la fin, francioun, le ya qui est à la fin, l'inisbati la fransa. Pour faire le lien avec la France. D'accord? Pour montrer que lui, sa base, son origine, asluhu min hunak. Sa base, son origine, elle vient de là-bas. Tayyib, je demande, ana atahadda, je défie à quiconque, quiconque, de me dire, je ne prends pas ma religion des salafs. Je défie quiconque de me dire, je ne prends pas ma religion des salafs. Tu es obligé de prendre ta religion des salafs. Ou les sahaba. Hein? C'est obligé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni'ma salaf ou analaki. Quel bon salaf je suis pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Khairun nasi korni. Les meilleurs des gens sont ma génération. Sont ma génération. Thumma alladhina yalunahum. Puis ceux qui les suivent. Et donc, ayyuha al-ikhwa. C'est pas possible que tu prennes pas ta religion des salafs. La yumkin an la ta'khudha dinaka an as-salaf. Anta turidu hadithan min ayi shakhs ta'khudha al-hadith? De qui tu vas prendre le hadith? An Abi Hurairah radiyallahu anhu, an Aisha radiyallahu anha, an fulan, an c'est ta'khudhu an as-sahaba. طيب تريد ان تتعلم القران. نعم صحيح. طيب ممن اخذنا القران Les Sahaba. De qui est-ce que tu veux apprendre le Coran? De qui on a pris le Coran? Des Sahaba, les Salaf. Tu veux apprendre ta religion? La Boud, que c'est obligé, tu n'as pas le choix. Tu veux apprendre la Salat? Tu vas apprendre des Salaf. Zakat, tu vas apprendre des Salaf. Et après, tu vas nous dire non, non, non, moi je ne suis pas Salafi. Tu vas apprendre de qui? Sous elle. In kunta la ta'khudhu dinak ani salaf. Si tu ne prends pas ta religion des salafs, c'est de qui tu la prends? C'est ça la question qu'il faut poser en gens. Si tu ne prends pas ta religion des salafs, alors tu la prends de qui? Si tu ne prends pas ta religion des sahaba, de qui tu la prends? La réponse? Ash-shaytan. Rappelez-vous la parole de Shafi'i. Rahimahullah. العلم ما فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. La science, c'est tout ce qui contient حدثنا. La chaîne de transmission qui remonte jusqu'au Sahaba. C'est ça la science, c'est ça l'ilm. وما سوى ذاك, tout ce qui est en dehors de ça. وسواس الشياطين. وسواس الشياطين. Et donc, ayo al-ikhwa, je ne vous dis pas ça pour qu'on marche dans la rue, tu marches dans la rue marqué salafi, salafi. C'est pas pour ça. C'est pour que tu comprennes de qui. La boudan tafham mimman ta'khudh dinak. Quand je me suis converti à l'islam, lama aslamt, safartu ila Misr, j'ai voyagé en Égypte. J'ai rencontré certains frères, ils avaient assuré des t-shirts salaf défense. C'est ça la salafia. Marcher avec un t-shirt. Je vous dis les frères, être salafi, c'est pas se dire salafi. C'est pas dire je suis salafi. C'est pas ça. C'est dans ta façon de marcher. C'est dans ta façon de parler. C'est dans ta façon d'adorer Allah Azza wa Jal. Hein? Dans ta lecture du Coran. Fi aqidatik. Dans ta croyance. Hein? Dans le fait que tu t'accroches à la sunnah. C'est pas dans le fait de dire je suis salafi, je suis salafi, je suis salafi, je suis salafi, je suis, je. Non, c'est pas ça. C'est... Ça ne fait pas profitable. Et donc les frères, on revient sur le sujet. Désolé d'avoir tardé un peu, d'avoir fait un peu long. Mais... il est important. In kunna nuridu an tajtami'a hadhihi al-umma fala budda min al-kitabi wa sunnah. Si on veut que les gens de cette communauté soient unis, il est impératif qu'on passe par le Coran et la sunnah. Wa hadha al-kitab wa hadhihi as-sunnah la yumkinu an nafhamahuma jayidan illa bi wifqi fahmi as-sahaba. Et ce Coran et cette Sunna, nous ne pouvons les comprendre correctement sans être en accord avec la compréhension des Sahaba. As-sabiqoun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Les premiers, hein, les prédécesseurs parmi les muhajirun et les ansar. Ensuite, il dit quoi Allah? Wal-ladhina taba'uhum bi ihsan. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Fa'anta yajibu alayk, t'as pas le choix. C'est pas un supermarché. Tu viens, tu dis non, je veux pas prendre de Abu Bakr. Je veux pas prendre de Omar. Il était obligatoire de prendre des salafs. Min al-muhajirin, parmi les muhajirun et les ansar. Obligatoire. C'est important de comprendre ça. Et ceux qui font ça, alors ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Comme on le verra à la fin de cette sourate. Pourquoi? Parce que tu as été... Allah est satisfait d'eux. Tu es satisfait de la législation, de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne viens pas et tu dis non, ça je ne veux pas. As-salaf, je ne veux pas. Taïb, anta la tardu an dhalik wa turidu min Allah an yardu ank. Tu n'es pas satisfait de cela, mais tu veux qu'Allah soit satisfait de toi. Tu n'as pas le choix. C'est pas toi qui décides. Tu veux réussir, فَيَجِبُ أَن تَأْخُذَ دِينَكَ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ. Tu veux réussir, il t'est obligatoire de prendre ta religion comme telle, comme je l'ai cité. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Le prochain cours sur le tafsir, très important aussi, bi'idnillahi ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite, une bonne compréhension de notre religion, ainsi que la pratique. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.